Bonsoir Manu. Bonsoir. Bonsoir Fildar. Bonsoir. Comme Max il m'a demandé, je vais faire une exception ce soir. Comme Max il l'a demandé, on va laisser une chance à. Bonsoir Gérard. Bonsoir Rigo. Comment vas-tu mon pote? Ouais, Oh là là. Et donc comme Max me l'a demandé, on va faire une exception. On va laisser une chance à Apolline. Bonsoir Apolline, bonsoir GG. tu sais très bien. Il n'y a pas de problème. Bon, alors pour ça, premier débat, ça va porter sur les taxis. Donc pour ça, on va accueillir Gros Taco, 22 ans de Lille. On peut écouter Fun Radio sur 96.8. Bonsoir à toi. Salut Gérard. Bonsoir. Tony, salut 22 ans. l'équipe, salut Tony, salut Manu, salut Rigo. Salut, bonsoir. Salut Finda, salut toi. Salut. Salut les auditeurs. Salut, moi je vous kiffe. Oh, Tony. Oui. Salut. Celui qui dit on kiffe. Ah, c'est pas moi. Ça, on se calme déjà, hein. Oui. Donc Tony, bonsoir à toi. Bonsoir mon pote. Donc j'espère que tu as compris ce que je t'ai dit en antenne. Il n'y a pas de problème, ça va bien. Donc 22 ans Paris 101.9. Tout à fait. Je salue mes potes aussi de. Bonsoir Tony, du staff technique. Bonjour. Gratte-moi 25 ans de Limoges. Alors là par contre, si on pouvait avoir la fréquence de Limoges, s'il vous plaît. Elle va la donner. Alors la fréquence de Limoges. 36.2. Elle va la donner. Elle va la donner. Oh. Ouais, bah Gérard, excuse-moi, c'est Lille, y a pas de problème. Grave. Donc, combien que tu m'as dit? 106.2, Gérard. 106.2, bonsoir à toi. Bonsoir. Et pour finir, Taxi Tron, 21 ans de Dijon, on écoute Fun Radio sur 90.7, c'est bien ça? C'est exact, c'est exact. Voilà, alors donc, j'espère que ça va très bien se passer, parce que vous avez entendu les sondages. Ouais, ça pète. Donc, je voudrais que ça continue, et j'espère que ça va encore continuer toute l'année comme ça. Donc, première question, combien existe-t-il de taxis en France ou à l'étranger? On va demander ça à, Taxi Tron de Dijon. C'est pas une estimation comme ça, je dirais une fourchette entre 10 et 1000. Comme ça, pour pas faire d'erreur, je tape large. Non mais attends, entre 10 et 1000, parce que je sais pas trop, donc tu vois, je donne une fourchette large pour être sûr de pas me planter. 1000 ou plus, ou autre. Non, il n'y a plus d'où, il n'y a pas d'où autre, ceci, cela. Hein. Parce que là, vous allez, on va arrêter avec les autres, et les pourquoi et les comment, d'accord? Je dirais pas plus de 1000 si tu comptes pas les pouces-pouces. Mais attention, là, les pouces-pouces, c'est pas pareil. Ah. Parce que les pouces-pouces, tu veux dire comme en Chine. Ouais, tout à fait. Ouais, mais justement, la question que je voulais rajouter aussi, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, dans Paris, il y en a aussi. Ouais, c'est en train de se développer grave, le pouce-pouce. Le 13e. Attends, Tony, c'est toi qui viens de dire le 13e? Ouais, je te promets, j'en ai vu dans le 13e. Hein. C'est vrai. Maintenant, t'en as un peu partout, ils vont à, je sais plus où, d'où qu'ils partent, c'est simplement sur appel. Hein. Okinawa. Hein Paris 13e jusqu'à la muraille de Paris, je crois. Non, je crois qu'ils font tout le tour de Paris, hein, mais je suis pas sûr. Hein. La Bastille. Gratte-moi. Attends, Tony, je te reprends juste. Après, tu vas donner ta solution aussi, toi. Gratte-moi. Où? Ouais, gratte-moi, tu réponds correctement ou sinon tu vires. Bon, gratte-moi. Bon, alors, allez, hop, au revoir. Hop, bonne nuit pour toi. Ouais. Comme ça, ça va aller plus vite avec moi. Hein. Ce soir, ça va pas commencer. Hein. Tony. Ouais, alors. Parce qu'il y a 20 millions qui va. Hein. Quand même. Ouais, c'est pas. Non, mais même, c'est pas parce qu'on fait 20 millions que gratte-moi, lui, il va s'amuser à. Non, il a peut-être peur. Non, mais attends, l'autre, gratte-moi, vas-y, ça veut dire quoi là? Gérard, c'est impressionnant. On est 20 millions derrière la radio et 48 quand même sur Minitel. Déjà, t'imagines. Ouais, déjà sur l'internet, on sait pas, mais on aura le petit chiffre après. Tout à l'heure. Donc, Tony. Ouais, en France, je crois qu'il y a plusieurs sociétés. Il y a. Non, attends, Tony. Combien existe-t-il de taxis en France ou à l'étranger? Je te demande pas. Bon, tu veux en France ou à l'étranger, en fait? Non. Je te demande combien existe-t-il de taxis en France ou à l'étranger? Bon, un bon million en tout. Mmh. En tout, ouais. C'est beaucoup, hein. Ouais, mais... Moi, je pense que... GG, il faut dire que quand tout le monde ne prend pas le taxi, il y a des gens qui prennent le métro, le bus, il y a des gens qui se font transporter par des potes et tout ça, tu vois. Ouais, non, mais attends, qui c'est qui parle là en même temps? C'est Taxitron. Ouais, mais donne ton nom quand tu veux répondre, hein, parce que... Tout à fait, donc... Ouais, bah attends, Taxitron. Ouais. Gérard, excuse-moi, à la place de Gratte-moi qui est parti, qu'on n'a pas retrouvé, on accueille Monsieur Mazur qui vient de m'appeler parce qu'il est en train justement de faire une étude sur les taxis parisiens et ou autres. Ah. Donc, il voulait justement intervenir sur le débat. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Monsieur Fildar, vous êtes prié de retirer vos lunettes de soleil parce qu'il n'y a pas de soleil dans les studios, d'accord? Bonsoir. Bon, ça y est, les bonsoirs, on s'arrête, Monsieur Mazur, parce que sinon... Bonsoir. Donc, merci, je vais parler de ces statistiques, ça peut être intéressant, GG. Ouais, ben attends, Tony, pour l'instant, c'est à toi de répondre. Pour l'instant, il va se... Non. Je t'ai parlé de... Un million. Ah, un million, d'accord. Gros taco. Je pense que Tony a raison, mais je pense qu'il a tort dans le sens où c'est plus. Tu peux préciser? 1 million, 2 1 million 3. En France ou à l'étranger? Intégralement, en fait, universellement. Ah, universel. Ah bon? Ok. Monsieur Mazur? Oui, eh bien, écoutez, moi, pour répondre à la question, je vous dirais, selon mon étude, nous avons calculé, n'est-ce pas, qu'il y en avait au moins les trois quarts dans le deuxième arrondissement, à Paris. Non, mais on s'en fout des arrondissements. Oui. Je demande, combien existe-t-il de taxis en France ou à l'étranger? On s'en fout? Oui, on s'en fout. C'est ma faute, en effet, monsieur Gérard. On s'en fout des arrondissements de Paris. Oui, alors justement, je vais vous répondre. Ouais, monsieur Mazur, s'il vous plaît, vous n'avez pas commencé à me prendre la tête. Non, mais bien entendu, je vais vous répondre. Il s'agissait en fait, excusez-moi, il y a eu une coquille sur donc mes statistiques. Il s'agit, bien entendu, il fallait comprendre le deuxième arrondissement de toutes les villes de France. Non, allez. C'est possible. Tony. Non, donne-lui pas raison parce que de toute manière, apparemment, il veut faire allusion sur le deuxième arrondissement de Paris. Non, mais de toute manière, moi, je peux vous dire une chose. Très sérieuse. Ouais. Monsieur Mazur, s'il vous plaît, quand je parle, on ne coupe pas la parole. Oui, pardon. Ah non. Ok. C'est pas possible. C'est pas mal. Donc, je peux vous dire une chose, que les chiffres, j'ai un petit sondage, mais prenez-vous souvent le taxi, donc c'est pas du tout la question qui m'intéressait. Mm-hmm. Donc c'est dommage, mais bon, j'y répondrai tout à l'heure quand je vais venir dessus. Mais pour savoir combien existe-t-il de taxis en France ou à l'étranger? Oui, Manu? Non, parce que sur Minitel, il y a Joko le taxi. Qui me demande si les bus et les métros peuvent être considérés comme des taxis. Non. Et le tramway. Vu que ça déplace et que c'est payant. Attends, qui c'est qui parle du tramway, là? C'est moi, c'est Gros Taco. Ouais, ben, je pense que le tramway, c'est pas pareil, hein. Pourquoi? Le tramway, le bus et le métro, c'est différent. Ah, d'accord. Parfaitement. Parce que c'est pas marqué taxi. C'est quoi et, la différence? Ouais. C'est pas marqué taxi dessus, hein. Oui. Et puis t'es pas tout seul. Ouais. Ouais. Voilà, t'as plusieurs personnes dans le bus ou dans le métro. Rigo, une question IRC peut-être intéressante? Oui, il y en a plein, je vais t'en poser une. Déjà, je remercie les 7847 personnes. Hein? Oh. 7847 personnes. Qui sont là et déjà à ce tour-ci à 0,6. Ouais. Si tu joues, ça monte, hein. Et on va voir. Ouais, merci. Celui qui vient de dire ça va se calmer. Non, s'il vous plaît, derrière, vous vous calmez, on répond quand même aux questions IRC. Donc il y a Taxi Bobo, il te demande est-ce qu'il existe des taxis pour transporter des personnes qui sont plus grosses que 3 personnes réunies? Non. Non, le bus, c'est pas du tout un taxi. Même que tu prennes le bus, de toute manière, la personne qui est assez grosse, tu as pas... Elle fait comment? Comment elle fait pour se déplacer, la personne qui a un peu d'embonpoint, on va dire? Elle fait comment? Ça, c'est une très bonne question. C'est que, bon, elle prend le bus, mais c'est sûr que personne ne lui laissera une place assise. Hein. Merci, Pildar. Pardon? Attends, Tony. Non, c'est pas Tony. C'est pas Tony, c'est Taxitron. Ouais, Taxitron. Pildar. quand tu bouscules les gens, déjà, tu dis pardon et tu retires tes lunettes parce qu'il n'y a pas de soleil dans les studios, d'accord? Ouais, ma poule. Non, c'est un avertissement que je te donne. C'est le premier, c'est gaffe. Taxitron, je pense que j'ai bien répondu à la question là. Ouais, c'était cool. Et sinon, il y a. Oh, toi, tu t'écrases, hein, éteins-moi son micro, Rigo, merci. Et sinon, il y a Orki qui te demande ce qu'est la taxicomanie. Oh là là, alors, taxicomanie... Ah ben ça, tu devrais ah bah non, moi j'en sais rien. c'est pas moi qui prépare le départ. C'est toi, l'aveugle. C'est quand il prend trop de taxi. Pauvre con, va. Pauvre tâche. C'est cool, ma poule. Pauvre tâche. Sur Minitel, on nous dit aussi, les taxis, c'est bien, mais pour certaines personnes, il faut des monospaces. Ouais, c'est un peu Justement, attends. Pour l'instant, toi, tu t'écrases, c'est pas toi que je m'adresse. Quand je t'appellerai pour de chambre, tu sortiras de sous le lit, d'accord? Bravo. Donc, c'est qui t'a posé cette question-là? Je sais pas, c'est Dorian. Dorian, s'il te plaît, tu peux préciser parce que je voudrais te répondre à ta question. Précise, Dorian, voilà. Donc, alors, deuxième question. Ouais. À moins qu'il y ait eu une autre question IRC intéressante. Il y en a plein. Il y a Bérangère de Babouin. Elle te demande pourquoi les taxis américains sont jaunes et est-ce que ça a un rapport avec le fait que c'est les Chinois qui les ont inventés? Non, alors là, justement, les taxis américains, justement, c'est pas parce qu'ils sont jaunes que ça soit automatiquement des Chinois. Parce qu'à l'heure actuelle, si t'as vu dans Paris, je sais pas si... T'as eu l'occasion de te promener. Tu mettais ton micro-fil d'art quand je réponds à Rigo, s'il te plaît, merci. Donc, je sais pas si tu as eu l'occasion de te promener dans Paris, tu as vu qu'il y avait maintenant des vélos, taxis. Ah, j'ai pas vu, non. Non, tu n'en as pas vu encore? Il y a des rollers de vélos aussi. Hein. Il y a des rollers personne, taxis, personne. Moi, j'en ai vu un, Gérard. Quand? J'en ai vu un, la semaine dernière, près des quais. Ah oui. Ouais, ils font les quais, ils trimballent les gens pour 90 francs, je crois, c'est... 90 balles la course, pour une personne... Ouais, monsieur Mazur, s'il vous plaît, je réponds à... Pas bien, c'est-à-dire que vous payez 90 francs pour prendre un vélo. Mais non, mais il te pose une question. C'est intéressant, bah ouais. GG. Il demande si tu payes 90 francs pour prendre un vélo, ou si quelqu'un te pousse avec un vélo. Voilà. Ouais. Ben justement, c'est le truc en Chine qu'ils font. Maintenant, Paris fait comme en Chine, reprend le même truc. Donc, ils ont sorti des vélos taxi. Et est-ce que tu crois, Gégé, qu'on peut trimballer quelqu'un sur un skateboard pour faire le taxi ou des rollers, un peu comme ça? C'est qui pose ça? Les taxitrons, parce qu'un skateboard, on peut y aller à deux dessus, hein. On va pas s'éterniser. Ça t'empêche pas de faire un holy flip ou un truc comme ça, hein. Mm-hmm. Ouais, non, mais moi, je peux vous dire une chose, que la question, c'est vrai que j'ai entendu les tarifs. Pour une personne, c'est 90 francs et pour deux personnes, c'est 120 ou 130 balles à mettre deux, hein. Comme ça. Il y a Boubou. C'est des Chinois qui pédalent. Non, c'est des Français. Ah ouais. Il y a Boubou sur Minitel, Gérard, qui dit moi je t'ai vu sur les quais, mais c'était 90 balles la pipe. Bon, alors lui, il va se reculer. Hop, okay. Terminé pour lui. Ouais, c'est vrai. Au revoir. Gérard, j'ai une question parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui me l'ont demandé au standard. Ils veulent que je te la pose. Est-ce qu'un chauffeur de taxi peut être ami avec un chauffeur de bus? Et est-ce qu'ils ont le même salaire? Et est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils sont potes? Ah ouais. Alors là, je vais dire une chose. Ouais. Que la question, donc, chauffeur de taxi et chauffeur de bus, c'est différent. C'est deux compagnies différentes. Parce que la RATP, c'est eux. C'est eux, ils sont payés, les chauffeurs de taxi, s'ils sont à leur compte ou autres, comment on va en venir avec les ou autres, c'est eux qui sont payés par rapport à la course que le client lui fait faire. Okay. Par exemple, tu vas là aujourd'hui, tu pars d'ici. Tu vas à Suresnes, t'en as 73 francs, mais tu prends 200 balles. Non. Bon, attends, tu fermes ta... Alors là, je vais te dire, maintenant, Fildar, ta réponse, elle est claire, elle est répondue. Alors maintenant, tu mets ta... Non, mais réponds pour les autres, pas pour moi. Donc, le chauffeur de taxi, par exemple, t'appelles un chauffeur de taxi, t'es pressé, tu dois prendre ton avion dans moins d'une heure. Ouais. Donc, si c'est bouché, comment qu'il fait le chauffeur de taxi? Alors, explique-moi. Il prend le bus. Non. Non, il prend pas le bus. Le métro, ouais. Non, c'est pareil. Parce que le Roissy bus. Ouais, ou l'Orly-Vol. L'Orly-Vol, ouais. Ouais, ben... Non, il prend le vélo-taxi. Ouais. Non, même voilà, quand il y a des embouteillages. Rigaud. Non, mais ça y est, ça ouais. y est. Hop, on a terminé la. Ah, qu'est-ce qu'il fait? T'as même pas répondu. Bah ouais, c'est vrai en plus. Qu'est-ce qu'il fait le chauffeur de taxi? De toute manière, le chauffeur de taxi, il a son compte et personne ne le paye. C'est au nombre de clients qu'il fera qui se fera son beurre. Tandis que le chauffeur de bus, lui, il est payé par les RATP. Nuance. Ouais, donc, faut pas confondre. Oh, non. Non, ils sont potes, moi je dis. Ils sont tous. Non, justement. Parce que faut se dire une chose. Non, mais attends. Attends, taxitron. Vas-y. Parce qu'il faut se dire une chose, que le jour où un chauffeur de taxi a un accident avec un bus, qui c'est qui est responsable? S'il n'a pas vu que... Parce que normalement, parce qu'il faut se dire une chose, que les bus, quand ils quittent leur arrêt, sont toujours prioritaires. C'est vrai. Ça hein? C'est vrai, c'est vrai. Attends, gros taco, je vais te dire une chose, je me demande si à Lille, ils respectent les... Non. Ah non, à Lille, ils attendent. Hein. Ah ouais, ils attendent. Ah bah alors là, bon. Je veux te dire une chose, ça se voit que c'est Apolline qui t'a sélectionné. Non, c'est moi. Pas du tout. Gégé, ouais. Est-ce que t'as des conseils à donner aux gens qui veulent devenir de chauffeurs? Bah justement, on va en parler de ça. Ouais, mais Gégé, routier, c'est un peu pareil, tout ça, c'est les métiers de la route. Ouais mais ça c'est pas pareil parce que là on va s'éloigner du débat. Ouais, c'est en plus famille. Et en plus dans les taxis tu peux pas mettre de poster de femme à poil. Attends, pour l'instant t'éteins ton micro, je sais pas sonner, OK? Moi c'est pour toi gros t'as quoi, au revoir. Hop, tu vas te persodomiser toi-même, espèce de salope. Allez, hop, terminé. La Lilloise, on va. Celle-là, elle aura compris sa douleur. Bravo, monsieur Gérard. Bravo. Non, mais attends, elle, terminé, c'est même pas la peine de la reprendre sous un autre nom. Hein. Ah, pauvre fille, va. Ah, pauvre fille, peut-être. Ouais. Qui c'est? Oui, Rico. Vite fait, avant, il y a Gérard Monsoif, il te demande quelles sont les études pour faire un chauffeur de taxi. Bah, justement, c'est... Oh, Rico, merde. C'est une question, non, ça. Non, mais justement... Là, c'est pour ça. Je vois pas pourquoi déjà les gens sur l'internet posent la question alors que la question sera en quatrième. Bah, ils le savent pas. Donc, c'est qui a posé ça? Je sais plus. Attends, Apolline. Gérard Monsoif. Il s'appelle Gérard. Oh ah, attends, on accueille. Vas-y, Apo. Voilà, on accueille Taxi dans le vélo, 18 ans de Créteil. Salut. Comment tu es, quoi? Bonsoir. Comment tu t'appelles, toi? Accident de vélo. Salut. Ça va? Salut. Accident. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mmh, bonsoir. Bonsoir. La fréquence, bonsoir. S'il te plaît. À Créteil, Gérard. 101.9. Ah, okay. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça y est. Oh, ça y est, les bonsoirs. Oh! Bonsoir. Gérard, pour en revenir à la question, moi. Ouais, Tony, ouais. Ouais, moi, je pense que. Je sais pas si pour toi c'est la même chose. Que s'il y avait plus de posters crades dans les taxis, on les prendrait plus souvent. Moi, je pense Non, attends, Tony. Non, taxi tron, s'il te plaît. Ah, je voulais t'aider. Non, mais attends, je réponds à Tony quand même. Ah, vas-y. Dans les taxis, j'ai jamais vu de poster crade comme dans les routes. C'est dommage. Ouais, mais d'accord. Moi, j'ai bien posé, hein. Bon, attends, ouais. Oh. On se calme, hein, d'accord, taxi dans le vélo. J'ai un Polaroid. Moi, j'ai un gros zoom. Bon, allez, hop. On attaque la deuxième question. On attaque la deuxième question, s'il vous plaît. Merci. Un zoom de ouf. Taxitron, encore une question. Ah, c'était pas moi. Non, c'est qui alors? Ouais, c'est lui qui m'a chauffé. Je crois que c'est Tony. Hein. Non. Vas-y, pose-la. Moi, j'ai pas un gros zoom, j'ai un grand angle. Bon, Taxitron, tu retournes voir Fildar au standard, s'il te plaît. Merci, au revoir. C'est ton zoom comme ça, connard. Oh! T'accident, ça va être pareil aussi si tu continues. Excuse-moi, Gérard. Alors, un taxi a-t-il le droit de faire payer sa famille, amis ou autre? Alors, faut bien dire, par exemple, tu connais, t'es chauffeur de taxi. Hein, je précise bien. Quelqu'un de votre famille est chauffeur de taxi, vous l'appelez. Est-ce qu'il a le droit de vous faire payer, que tu sois seul? Que ça soit sa femme, son meilleur ami ou autre. Est-ce qu'il a le droit de le faire payer ou pas? Non. Donc, taxi dans le vélo. Alors, à mon avis, sa femme, elle le paye en nature. Non, mais attends. T'as bien compris ce que je viens de dire à l'instant? Oui, j'ai compris. Ah, excuse-moi, non, j'avais pas compris, maintenant j'ai compris. Ah non, attends, non mais attends. Eh oh, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. D'accord. Bravo, monsieur Gérard. Alors, oui, elle le paye en euros. N'importe quoi, celle-là. Allez, hop. Quoi, non. GG, à la place de Taxitron, l'accueil Jean-Gabriel, 20 ans, de Nantes. Oui, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Jean-Gabriel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît. 103.2 FM. Bonsoir. 103.2. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça y est, les bonsoirs. Oh, ça y est, c'est fini, les bonsoirs. Donc, taxi dans le vélo, là, parce que je crois que t'as pas compris. Non, t'es reparti en taxi. Si, elle est là. Tony. Ouais. Tony. Attends, Tony, 5 minutes. Désolé, mon pote, te couper. Pas de problème, mon pote. Il y a Slurp sur l'IRC ou Slurp qui te demande si les chauffeurs de taxi sont solubles dans l'acide sulfurique, chlorhydrique, nitrique. Oh, c'est nul, ça. Là, je réponds pas parce que la question, elle est trop compliquée. Par contre, une question de Max le Belge sur Minitel qui te demande quand tu prends le taxi avec ta femme, est-ce que tu payes un excédent de bagage? Non. Bah, si. Non, parce que. Alors là, attends. Toi déjà, tu fermes ta gueule, tu retires tes lunettes et c'est tout. Ok? C'est la dernière fois que je te le dis, sinon tu dégages. Au billet à Bernard. Hein? Parce que tu commences à être lourd, hein? T'énerve pas. Donc, Tony. Ouais, bah ça tombe bien que tu n'as pas répondu à la question du Minitel. La question Minitel, c'était... Quand tu prends le taxi avec ta femme, est-ce que tu payes un excédent de bagages? C'est de Max le Belge. C'est le maquillage. Je t'ai dit de fermer ta gueule, pilard. Les packs de cristalline. Et ça, tu as dégagé, là, hein. Les varices aussi. Vas-y, Gérard. Bon, donc, tu payes un excédent de bagages, selon ce que tu prends, mais pas avec ta femme. Donc, sa question, elle a ni queue ni tête comme lui. Okay. Voilà, bravo. Ça prend comme la conclusion du débat avec... Turpentine, voilà. Donc, Tony, pour toi. Ouais, bah, je disais que ça tombe bien que tu m'aies posé la question, parce que mon père, il a été taxi avant, à son compte. Mm-hmm. Et il m'emmenait à l'école tous les jours. Et c'est véridique, il me faisait payer. Ouais. Non, mais attends, Tony. Tu comprends. Oh, accident de vélo, tu t'écrases, s'il te plaît. Non, mais tu comprends, mon enfance traumatisée, t'as vu comment je suis maintenant. Non, mais attends, Tony. Tony. Ouais. Je t'ai dit, je veux bien que tu fasses le débat. Ouais. Mais calmos, d'accord. Tu t'amuses pas, commence pas à prendre à vouloir jouer comme ça. Non, mais je te promets, Non, mais moi je te le dis tout de suite, parce que sinon, je te garde pas jusqu'à la fin. Mais mon père, il était taxi, c'est vrai. Ouais, non, mais attends. Alors, dans ces cas-là, est-ce qu'il avait mis son compteur en route ou pas? Ouais. Bon, alors là, déjà une chose. Ouais. Déjà pour commencer, faut se dire une chose. Que lorsque c'est quelqu'un de sa famille, normalement, il doit avoir un bandeau dessus. Un bandeau, comment ça? Ouais, il conduisait avec les yeux ouverts. Hein. Non, mais attends, Tony. Ouais. Tony, tu comprends pas ce que je veux te dire? Non. Un bandeau sur son truc marqué taxi. Non, il le mettait. Tu vois, pas. Sur le dessus de la voiture. Non, il le mettait. C'était pour que enfin, c'est détourné de l'argent du fisc. Parce que. Attends, Tony. Moi, je vais te dire une chose. Que j'ai pris une fois un taxi. Hein. Le mec, il me connaissait, je sais même pas s'il me connaissait de où ou qu'est-ce. Il a rien allumé et ça m'a rien coûté du tout. Ouais, mais parce que toi, t'es une star de la radio. Non, c'était pas... Si, il était con, c'est tout. C'était bien avant que je connaisse Fun Radio. Hein. Ah bon? Donc, nuance. T'as quelque chose de doux dans le visage, c'est pour ça. Non, on sait pas. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, monsieur Vera. Non, mais ça y est, les bonsoirs. Alors, je pense, écoutez, ça dépend en fait si la personne qui conduit le taxi, si ce véhicule appartient à une société de taxi ou bien si c'est son véhicule privé, n'est-ce pas, dans ce cas-là. Effectivement, il faut faire payer les membres de sa famille et j'ajouterais même, il faut les faire payer le double. Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous. Donc voilà la question. Voilà. Est-ce que ça, justement, je croyais que Tony, t'allais bien répondre à la question, mais apparemment, Monsieur Mazur, t'as coupé l'herbe sur le pied. Oui, je vous ai baisé la gueule, Tony. C'est ça. Ouais. Non, s'il vous plaît, Monsieur Mazur, on reste poli, hein. Donc moi je suis d'accord avec vous. C'est vrai que est-ce que parce que faut se dire une chose que les chauffeurs de taxi, ils ont une compagnie ou ils sont artisans loueurs. Je sais plus comment qu'on appelle ça. Mais il y a dans ces trois solutions là un locateur. Bon alors tire tes lunettes là parce que tout à l'heure je vais t'éclater. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est le terme technique, un locateur. Oui, mais donc ça veut dire loueur. Ouais, ouais. Hein? Voilà. Oui, mais dans le jargon des taxis, on dit locateur, effectivement. Mmh. Locateur. Ok. Attends, 5 minutes, il y a une question IRC. Oui, il y a. Alors, Bloodikis qui te demande si, en fait, il voulait savoir si un taxi doit rouler 35 heures par semaine. Alors là, les chauffeurs de taxi, je ne sais pas combien d'heures qu'ils font, donc faudrait que tu demandes à ton pote. Taxi. À ton pote taxi, c'est-à-dire, je dirais Philippe. Pas son nom. Ouais, non, mais bah voilà. Ah, moi, bravo, regarde ce que t'as fait maintenant. Merde, on a déjà des putains de. Oh, donc, non, pas de fou, quoi. Pas de nom, merde, des procès. Oh là là. Oh. Quand il est pas Eric. Oh, tu fais quoi là? Tu joues à quoi? Oh, mais merde, quoi, il y a des moments. Ah non, là, c'est lourd, quoi. J'ai la pression, là. Comme une cocotte minute. Mais ouais. Avec le jet de vapeur, là. Lâche un jet de vapeur. Oh, Fuldar. Mets-le en veilleuse, s'il te plaît. D'accord? T'en prends pas comme ça sur Hugo, d'accord? Non, mais il y a des limites, Hugo. Moi, je suis d'accord avec Jean-Gabriel. Il y a des limites. Ouais, c'est Jean-Gabriel, tout à fait. Alors, à la question, est-ce que la famille paie... Un taxi a-t-il le droit? Oui, bah, tout à fait. Moi, je pense que... Attends. La question, parce que je crois qu'on t'a pris en antenne, donc t'as pas pu... Je l'ai tout à fait compris, Gérard. Tu l'as compris? Oui, donc, vas-y. Parce que moi, j'ai mon frère qui est chauffeur de taxi. Et ben moi, quand je monte dans son taxi, effectivement, il me fait payer le double, comme l'a dit Monsieur Mazur. Tout à fait. Et parce non, que c'est pas Monsieur Mazur qui l'a dit, c'est Tony. Non, c'était Monsieur Mazur. Non, c'est Tony. Non, c'est moi. Non, c'est Monsieur Mazur. C'est Tony. C'est Tony. Il me fait payer Monsieur le double. Monsieur Mazur, c'est pas vous, c'est Tony qui l'a dit. Okay. Allô. Bon, Monsieur Mazur, vous la fermez. Donc, il me fait payer le double car il a déjà deux enfants. Plus sa femme à nourrir, donc il a besoin d'avoir d'argent, donc. Ouais, bah donc on revient à la question à Monsieur Mazur. Donc est-ce que c'est rentable. Non, mais est-ce que c'est une compagnie privée? Est-ce que le chauffeur c'est son taxi? Donc c'est comme il est chauffeur de taxi, donc il appartient à une compagnie. C'est pas sa voiture personnelle, non. Donc est-ce que c'est sa voiture personnelle? Non. Non, parce que de toute manière, pour avoir une dérogation par la préfecture. Quoi? Mais pareil. Une dérogation quoi? Une dérogation. Pour avoir l'autorisation de conduire. D'être chauffeur de taxi. Et ça, je vais vous dire une chose que ça devient très dur à avoir. Donc, taxi dans le vélo, ouais. Alors, franchement, c'est sérieux, hein. Une fois, j'ai pris un chou-fleur de taxi et je l'ai payé en chou-fleur. Et c'est vrai. Attends. T'as pris un chou-fleur de taxi et tu l'as payé en chou-fleur. Oui. Non, mais attends, tu me prends pour un con. Au revoir. Allez, hop, dégage. Allez, hop, au revoir. Terminé. Donc, alors, la question, donc moi, je vais répondre donc à cette question-là, quand même. Donc, un chauffeur a-t-il le droit de ne pas faire payer sa famille, amis ou autre? Si on connaît bien les chauffeurs de taxi, et ça, faut être bien ami avec eux, normalement, je pense que c'est possible que tu ne puisses pas faire payer quelqu'un de ta famille. Par exemple, si moi je suis chauffeur de taxi un jour, que je veux emmener quelqu'un que je connais, je ne le ferai pas payer. Pourquoi? Parce que j'éteindrai mon voyant. Ah mais t'as pas le droit ça. Si t'as le droit, parce que si t'es pas en service, donc automatiquement t'as le voyant A, B et C pour savoir là où tu vas. Mmh. D'accord. Oui, d'accord. Bon, sinon t'as un petit truc noir qu'ils mettent dessus. Tant que c'est pas allumé, tant qu'il a pas ouvert son capot pour allumer son truc ta gueule. Non. Bon, toi tu fermes ta gueule, ça vaudra mieux. Voilà, je savais. Hein? Là tu as la fermer, tu as dégagé des studios maintenant. Parce que tu commences à me casser les couilles. Bravo, sérieusement. Là tu commences à me casser les couilles, c'est chose grave. Ouais. Là ce soir c'est toi qui fous ta merde. Ok, alors maintenant tu vas m'éteindre ton micro de merde. Non GG, c'est parce qu'à la place de taxi dans le vélo, on accueille Taxico 30 ans de Bourges. Attends, alors attention. Là, je vais te dire une chose, Apolline. Ce soir, c'est ta dernière chance. Non, mais j'y regarde, tu vois. Ah ouais. Alors, Toxico. Alors, Toxico. Oh, Toxico. Elle est là, elle est là. Bonsoir, Gérard. Toxico, tu viens de zapper quelqu'un, Apolline. Hein. Donc, je le sens. Tu peux rappeler. Si, si. La fréquence de Bourges. 92.2. Fréquence de Bourges. GG, tu m'entends? Verneuil, non? Le 16ème, ouais. Voilà. Allô, GG? Ouais, je t'écoute, Tony. Ouais, je voulais seulement te dire qu'il faut pas que tu. Enfin, que tu blases. Enfin, que t'engueules trop ton équipe parce qu'il faut voir ce qu'ils bouffent à la cafette. C'est peut-être pour ça, peut-être. Non, non, mais de toute manière, je vais te dire une chose que pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre à part qu'on a mis les points sur les i, les barres sur les t la semaine dernière. Donc, j'espère que cette semaine, les débats vont bien se passer. J'espère qu'on va faire les 10 questions sur les deux débats. C'est clair. Donc, vite fait sur IRC. Et Yankee te demande en fait si s'il te manque un bras ou une jambe, est-ce que quand tu prends le taxi, tu payes moins cher, ouais, puisque t'es pas entier. Ah, alors là justement la question est très bien posée parce que justement est-ce que quand t'es handicapé, est-ce que tu payes moins cher ou pas? Donc je pense que déjà certains taxis, je crois qu'on avait vu ça à Neuilly, Manu. Ouais. Tu sais, celui qui était handicapé, que même le chauffeur de taxi a pas voulu le prendre. Non-voyant, non? Ouais, les non-voyants qu'on avait vu. En fait, Yankee me dit de te demander directement à toi combien tu payes, quoi. Ah non, mais ça, moi, combien que je paye, de toute manière. Vu qu'il te manque une partie du cerveau. Ah non, ouais, mais il a des boules en plus. Non, mais ça serait trop facile. Imaginons, il y a un lépreux qui prend un taxi. T'as pas autre chose, Tony? Ouais, lâche l'affaire sur celle-là. Okay. Non, mais non, Tony, on va pas s'amuser là-dessus. Non, mais j'allais dire un truc à Non, mais juste avant la pause. Non, toi, tu fermes ta gueule. Je vais te demander, t'as des petits sondages, autant en profiter. Voilà, non, mais on est prêt après la pause musicale. Je veux savoir combien qu'on est avant la pause musicale et je pose la question. Alors, je viens de recevoir un message en plus qui me le dit. Apparemment, on a baissé, on n'est plus que 6700 et les gens en partant, ils m'ont dit vivement le retour de samedi. Je sais pas pourquoi. Bon, ben ça, on verra. Donc, la question, c'est comment devient-on un chauffeur de taxi? Donc, vous allez réfléchir à cette question-là. Et on va s'écouter Joe le Taco avec Prends-moi, c'est pour une grosse commission. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. Apolline vous attend. Il est où, Pudard, là? Pudard, j'en sais rien, mais je m'en fous. Il est parti se mettre des gouttes dans les yeux, je crois. Il est là, je sais pas ce qu'il fout. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, vous pouvez nous appeler toujours au 0803-08-5000 et le Minitel 3615, Code Fun Radio, retrouve direct. Ce soir, vous êtes très nombreux. Et on est combien sur le Minitel? C'est monté à 64 tout à l'heure et c'est redescendu à 52 là. Ah, on va essayer de faire remonter le Minitel comme l'internet ou que c'est Rigo qui vous attend au www.frfunradio. Donc j'espère qu'on va monter un peu plus. Il y a énormément de monde et d'ailleurs il y a Bosniak qui est taxi, il dit que t'avais eu une bonne idée un jour pour pas payer ton taxi, tu l'avais sucé et il aimerait bien te revoir, il va peut-être venir te chercher. Bah, on verra bien. Donc le titre du disque c'était Joe le Taco avec Prends-moi, c'est pour une grosse commission, donc voilà. Gérard, sur Minitel, on demande si ça t'est déjà arrivé. Toi, t'es au standard, t'es pas à l'arrière. Non, ok. Alors tu t'écrases, je veux pas t'entendre. Non, mais c'est clair. Je ne veux pas t'entendre, tu es au standard. D'accord. Si t'es pas capable de faire ton boulot, tu rentres chez toi, tu vas dormir. Hein? Ok. Alors, comment devient-on un chauffeur de taxi? Donc, on va demander ça à Tony. Ouais, je suis à l'antenne, là. Oui, t'es à l'antenne, maintenant. Impeccable. Je crois que mon père, il a eu une licence, mais ça coûte assez cher. À l'époque, c'était pas trop cher. Mais je crois que c'est de l'ordre de 50 briques par là, sans dire de conneries. Non, attends, parce que là, déjà, justement, faut bien dire une chose, pour être chauffeur de taxi, il y a une licence à passer. Ouais, parce que j'y vais. Après, ouais, mais après, une fois que, déjà, faut que tu payes, t'en as pour 5000 ou 6, je sais plus, ça dépend, parce que si t'es inscrit à NPE comme demandeur d'emploi, normalement, tu peux avoir ton stage payé par la NPE. Ouais, exact. Hein, et après, dès que t'as ça, donc tu as l'autorisation d'être chauffeur de taxi. Donc tu commences déjà pour bien te mettre en train. Tu vas dans une compagnie. Exact. Hein, déjà, dès que tu as eu ton stage, t'es déjà d'office branché sur une compagnie. Tout à fait. Hein, et après, si par la suite tu peux avoir l'argent qu'il te faut, tu peux te mettre à ton compte. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Voilà, on a bien expliqué aux gens là. Voilà. Voilà. Donc on n'a pas besoin de répondre. Jean-Gabriel. Ouais, bah moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire là, c'est tout à fait vrai quoi. Ouais. Mm-hmm. Moi je pense qu'il faut exactement passer son permis puis après bon. Non mais de toute manière faut déjà avoir son permis de conduire. Attention, attention. De toute façon. Ah là déjà faut déjà avoir son permis de conduire pour être chauffeur de taxi. Attendez s'il vous plaît. Ah, putain, ouais. Oiseaux, merde. Sur IRC, Turpentine me dit qu'en fait la différence entre un chauffeur de taxi et un routier, c'est que le taxi c'est licence 3 et le routier c'est licence 4. Ouais. Ok. Donc ouais, si ouais, non mais c'est pas ça, c'est un message qu'Apolline vient de me dire, donc qu'elle vient de me donner, mais ça. Merci Apo, hein. Merci, parce que je lui posais une question, il a pas répondu. Ouais, mais il va répondre là. Ouais, mais oui. Alors donc. Donc c'était Turpentine qui te disait que en fait la différence entre un taxi et un chauffeur routier, c'est que le taxi il est licence 3 et le routier il est licence 4. Non parce que ça c'est différent parce que ça licence 3 et licence 4 c'est les histoires de boissons donc ça. Bah c'est bien ce qu'a dit ouais. Et donc ça n'a rien à voir avec la question qu'on vient de poser. Donc je vais répondre tout de suite à mon amour des Zimbabwe de Mastok Motion Bagbar. Motion Bagbar, ouais bref. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Voilà. Toxico. Toxico. Toi-même. Je crois que t'as tout dit, là, Gérard. Il est difficile d'aller plus loin. Bah ouais, mais alors dans ces cas-là, si je vous réponds à la question, donc c'est pourquoi que je vous la pose. Bah, c'est exact. Fallait répondre à ça. Gérard, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut faire taxi avec un A derrière? Alors là, je vais te dire, parce que tu viens juste d'avoir ton permis, toi. Ouais, c'est ça, et j'aimerais être chauffeur de taxi, et j'ai pas envie d'attendre 2 ans. Alors là, dans ces cas... attends, Tony. Explique-leur. Tony, je réponds à Taxico. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, l'histoire du A, c'est déjà, tu peux pas... Putain, mais il y a des oiseaux là-haut. Oh, mais merde, éteignez les micros quand je réponds un peu là. C'est pas moi les oiseaux. Ça gêne pas les oiseaux. La galerie est de partout. La peau. Mais non, bah, c'est pas la peau. C'est pas la peau, c'est le plafond, non. Ouais, mais ça commence à bien perdre ce soir-là. Si quelqu'un s'amuse à mettre des jingles, ouais. Tiens, c'est bizarre. Là, on n'entend plus rien. Donc, alors, pour répondre à... Oh, Manu, merde. Eh, hey, t'as commencé à faire du bon boulot, tu continues. Je fais rien, Gérard. Putain, vous allez me faire baisser l'audimat. Ça va pas aller. Tu connais pas. C'est bon, vas-y, Gérard. C'est bon, Apo, elle est en train de les calmer. C'est bon. Apo, elle les calme. On va jeter un coup d'œil là-bas si c'est voilà. Pas... Ouais, si c'est pas de l'autre côté. Regarde à côté, on sait jamais. Jamais si c'est Olivier de la Pro, c'est de Toutouze là. Non, il est là, je le vois. Ok. Ouais, c'est bon. Bon, donc, il les a calmés au standard, Gérard. Alors, pour répondre à Taxico, donc, en ayant un A, sur, comme ça fait pas longtemps que tu as ton permis, ouais. Donc, déjà, le A, il dure, je crois, à mon avis, il doit durer 2 ans. Donc, pendant 2 ans. T'es obligé de conduire avec le A. Mais pour être chauffeur de taxi, c'est pas évident. Comment je fais alors? Il y a des mais là, comment que tu fais? Donc, pour l'instant, faut que t'attendes que déjà ton permis, que ton A soit retiré pour pouvoir faire ton stage de chauffeur de taxi. Gérard, décolle-le là, décolle-le en direct. Ouais. Jean-Gabriel, j'avais une question à te poser. Attends. Jean-Gabriel, je finis de répondre à Taxico, d'accord. Okay. Donc, on revient à ce que tu me disais. Mm-hmm. Donc, de toute manière, tu es obligé d'attendre que ton permis, que ton A soit retiré. D'accord. Donc, au bout de... je crois que ça dure 2 ans, il me semble. Je me souviens plus. Ouais, faudrait que je demande à un chauffeur de taxi que je connais très bien, à un moniteur d'auto-école que je connais très bien. C'est 2 ans ou 24 mois? 24 mois, c'est quoi pour toi? C'est 104 semaines. Voilà. Ça fait 2 ans chez moi. D'accord. Oui, bah oui. Alors, Jean-Gabriel, ouais, la question que tu voulais me poser. Ouais, imaginons, je suis chauffeur de taxi. Ouais. Je suis sur la route, j'ai un malade, j'ai un grave malade qui est dans, qui est comme passager. Et je tape le 180, je passe feu rouge, je le grille, j'ai le droit. Normalement, non, t'as pas le droit déjà pour commencer. Sauf si t'as un gyrophare. Ouais. Ouais. Non, sur les taxis, t'as pas de gyrophare. Alors là. T'as pas le droit. Ouais, mais non. Tu peux en mettre un. Non. Dans ce cas-là. Déjà, une chose, attends Jean-Gabriel, je vais répondre à ta question, mm-hmm. Et je pense que Rétro-Bézeur, qui vient d'arriver... Rétro-Bézeur. Oui, tout à fait, non, c'est moi, le spécialiste de la sodomie, c'est moi, Rétro-Bézeur. Bon, je vais te reposer la question après, je vais répondre à Jean-Gabriel, et je pense que tu vas pouvoir peut-être réagir aussi. Ok. Hein, Tony aussi, et Toxico aussi. César, pardon. Pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi. C'est la dernière fois que tu me fais ça, d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'éteins ton micro et tu fermes ta gueule. D'accord. Moi, j'ai des produits polyphosphatés. Ok. Voilà le résultat. Bon. Gérard? Oui. Ouais, sur IRC, il y a Perforas, il te demande si ça existe, les taxis première classe avec siège inclinable, télévision individuelle, foie gras, caviar au petit-déj, et hôtesse soumise et dévouée payable en euros. Oui. Non, ça n'existe pas. Pour les hommes politiques, non? Dommage. Non, ça n'existe pas, parce que là, dans ces cas-là, on n'en finit pas. Ça fait comme un reportage que j'ai vu, qu'il y en a un qui voulait avoir carrément sa voiture avec... c'est dans l'émission que Maxime avait fait, là, que le mec, fallait tout qu'il ait sous la main, le Pax, le Minitel, voilà. Tout ça. Donc, pour répondre à Jean-Gabriel, donc, alors toi, tu me disais comment qu'on peut faire quand on a une personne malade et qu'on grille les feux, oui. C'est ça. Donc, normalement, les gyrophares sont interdits. Donc, quand t'as une personne malade, faut faire une chose. Ouais, mais si tu mets tes warnings, c'est bon. Non, attends, Jean-Gabriel. Tu fais une chose dans ce cas-là. Si la personne, si elle est enceinte, dans ce cas-là, tu Je veux pas griller ça. Oh! Putain! Ah, ça gazouille! Il y a des oiseaux. Non, mais c'est. Qu'est-ce que tu fais? Non. Il essaie de. Mais Gérard, il y a des oiseaux dans le faux plafond. Ouais. Hein? Alors, t'as tes conneries, tu dégages! Dégage, ça vaudra mieux! Dégage! Mais cherchez une bombe! Dégage! Donc, alors Jean-Gabriel, pour répondre à ta question, ouais. Donc déjà, ouais. tu fais une chose. Dès que t'as quelqu'un qui est malade comme ça... Bon, ça y est, ça suffit, là! C'est les petits, les œufs, ils viennent d'éclore. Ah, non, mais là, ça commence à bien faire! Donne-leur des verres, déjà. Manu! C'est des verres de terre, des choses, là. Non, mais ça commence à bien faire, là, merde! Le débat commence bien, vous n'allez pas me le poirer, là! Je sais, c'est des mésanges. Ouais, c'est ça. Et mon pied dans le cul. Je jure, c'est une mésange ou c'est un perroquet? Vos gueules, les mouettes, là, les goélands. Voilà, très bien. Oui. Bon, alors, Jean-Gabriel, pour répondre à ta question, quand t'as une personne qui est malade, par exemple, qui a latent un enfant, tu fais une chose, la première chose que tu dois faire, déjà, c'est de prévenir la police. Non, c'est de faire bouillir de l'eau et pas... Non, Tony, s'il te plaît. Ah, c'est pas moi, c'est pas Tony. Non, il Rétro-Bézeur, pour l'instant, tu t'écrases ou sinon tu vas retourner voir Apolline. Elle va te calmer tout de suite, elle. Okay. Tout à fait d'accord. Allez, hop, tu me le calmes, celui-là. Gérard, c'est Jean-Gabriel. Oui. On appelle les flics. Pourquoi on appellera les flics? Ils vont pas l'embarquer, le gamin. Non, mais attends. Parce que dans ces cas-là, tu as le droit, avec la police, tu as le droit de griller tous les feux. Parce qu'ils seront là pour te... Ouais, mais quand tu chercher les flics, le temps qu'ils sont là déjà... Parce que Gérard, qu'est-ce que tu fais? Il court après Filda, il tourne mais autour de la table. Gérard, Gégé, reviens. Ah, ma classe casse. Donc, bon, il s'est barré. Il est parti voir Mach. Je pourrais pas lui poser les questions de mes potes. Vas-y, posez-nous. Gérard, reviens. Je vais juste les citer. Ah, on va le laisser parce que... Vous avez bouffé quoi aujourd'hui? Je sais pas, et toi, le jambon, il était bon, là? Ah non, j'ai pas gardé. Ah, il l'a pas mangé. Qu'est-ce que t'as foutu? En entendant ces oiseaux, je sais pas si ça fait la même chose pour vous. Je me ferais bien picorer. Sinon, j'ai vu votre pote tout à l'heure, il était au Queen hier. Qui ça? Tu me vires votre pote, le troisième. Bon, les gars, faudra un peu d'ordre là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu me vires, Sabouti, là. Mais j'étais en train de. Ah, ta gueule! T'étais en train de quoi? Attends, Gérard, des explications, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de voir derrière des oiseaux dans le fond de la forêt. Non. Oui, vire. Mais je faisais rien derrière. Tu vires. Tu vires. Le lacrymo. On lance pas des molotovs. Non, mais laissez la nature suivre son chemin. Ça commence à bien faire de perdre des débats. Les oiseaux font leur nid. Si tu veux perdre de l'audimat, continue. On va en perdre ce soir. Gérard! Ouais, à mon avis, tu devrais essayer, Gérard, de les faire fuir avec le mégaphone, là. Bon, alors, pour répondre à Jean-Gabriel. Putain, mais merde, arrête avec ça, Max! Je vais leur partir. Mais non, mais il arrête! Vas-y. Ouais, faut arrêter un peu, là, parce que. Merde! Bon, Jean-Gabriel. Calmez-vous, d'accord? Tout passera bien. Bon, toi. Mais je veux que tu aies bien fait. Dehors! Bulldard dehors. Bon, GG, j'ai calmé Rétro Baiser là, c'est bon. Bulldard dehors. Après, il m'a calmé. Bulldard dehors. Dehors. Rigo, tu l'as vu au Queen? Je l'ai pas vu, mais il m'a dit qu'il y était. Oh, il y était. Il a rencontré Faudel. Tu sais qu'il est au Queen? Ça va prendre les fesses dans les filets. Bon, Tony, s'il te plaît, on se calme. Bon, alors donc, pour finir avec Jean-Gabriel, donc, pour ton histoire, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus, non. Donc, pour ça, donc, tu fais une chose, dès que, si par exemple, c'est vraiment urgent pour l'hôpital, mm-hmm. dans ce cas-là, tu demandes à... Oiseau, c'est pas possible. Bon. Moi, je peux pas répondre comme ça aux gens. Si, on va essayer. Non, non, moi, je peux pas. C'est un vrai, hein. Mais t'appelles un fauconnier, il va te débarrasser de tout ça. Donc, alors, donc, tu fais une chose, t'appelles carrément, tu t'arrêtes, si tu vois que c'est vraiment hyper urgent, tu t'arrêtes au premier commissariat que tu vois, tu leur dis, et là, eux, ils vont t'escorter, et là, tu pourras griller tous les peu comme tu peux. Ouais, mais GG, oui. Je dois savoir, est-ce que les taxis, par exemple, ils sont obligés de s'assurer, parce que quand ils transportent des femmes enceintes, ça pourrait salir la banquette arrière, Oh, on finit avec Jean-Gabriel. Il y a une question Minitel juste avant de GG Zukist qui te demande si les taxis 106 acceptent n'importe qui. Dans l'arrêt, ouais. Sa question, elle a ni queue ni tête, alors j'y réponds même pas. Donc, Jean-Gabriel, qu'est-ce que tu voulais finir? Parce qu'on va pas s'éterniser sur ta question. C'était pas moi qui posais la question. Non, c'était Rétro Baiser, donc je te parlais des assurances. Parce que je sais que toi, tu kiffes le film, comment ça s'appelle, Allô Maman, Ici Bébé. Et je sais que tu l'as regardé l'autre fois avec le chauffeur de taxi, parce que t'en as parlé. Et je voulais savoir si la femme, elle avait accouché dans le taxi avant d'arriver à l'hôpital, est-ce que lui, il aurait été remboursé pour ses sièges à l'arrière? Non, parce que justement, faut se dire une chose que le film... Alors attends, parce que là... je vais te dire une chose que je n'ai jamais vu, ce film-là, déjà. Si, t'en avais parlé. Avec Travolta. Mais ouais. Il y a la grosse, là. Allô, maman, ici. Mais comment, Tony? Non, mais c'est avec Christy Allais, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, c'est plus. La meuf qui joue dedans, ouais. Ouais, t'en as parlé l'autre fois, Gégé, t'as dit que c'était un... Mais ouais, le dimanche, t'en as parlé, mais... Rigaud, une question IRC. Question de Seigneur. Est-ce qu'on risque une amende comme dans le... Tu m'écoutes? Oui. Est-ce qu'on risque une amende comme dans le métro quand on saute dans un taxi par la fenêtre? Et si oui, est-ce qu'il y a des contrôleurs? Non, il n'y a pas de contrôleur. Comment dire, si le chauffeur de taxi, si le mec il prend déjà un taxi et qu'ils lui disent, bon, ben, attendez, je vais chercher des sous. Bon, le mec, il revient pas, donc automatiquement, il s'assoit sur sa commission. C'est bien quand le chauffeur de taxi, il a un chien, un pitbull ou un... On parlait de film, justement, tout à l'heure. Attendez. Une question Minitel qui pourrait être intéressante. On nous demande si taxi, c'est des initiales ou une abréviation de quelque chose. On m'a demandé aussi. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, en fait? C'est des initiales, comme RATP ou... Non, justement, pour les... Tu sais pas? Mais pourquoi moi? C'est toi, c'est ton débat. C'est ton débat, Gérard, t'aurais dû te renseigner un peu. Déjà, j'ai perdu 2000 personnes quand ils ont vu que tu savais pas ce que c'était un taxi, ils sont partis, ils ont dit c'est quoi ces débats, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ah là là. Ah bah, c'est bien. Bah, donc, on n'est plus que 4738. Ouais, c'est pas grave, ils vont remonter. C'est notre taxi, c'est kurde. Donc, tu m'as dit 4738. Ouais. C'est kurde, hein, GG, c'est kurde. Non, mais de toute manière... Merci. Pardon. On y va. Désolé, Manu. Bon, ça y est, on se calme là derrière. Hein. Ouais. Alors, le métier de chauffeur de taxi est une passion ou un luxe? On va demander ça à Rétro Baiser. Écoute-moi comme d'habitude. Ceux qui rigolent derrière comme des porcs, arrête. C'est pas drôle. Donc je te disais, comme d'hab, hein, c'est un mode de vie, c'est une philosophie, tout ça, ça vient de l'Orient. Je pense que c'est plus qu'une passion, c'est plus qu'un luxe, ça va beaucoup plus loin que tout ça, GG. Faut voir dans l'avenir, comme tu dis. Faut foncer. Non, mais c'est pas moi qui dis faut foncer, c'est Sandy. Bon, ben faut foncer. Enfin, les taxis foncent pas trop quand même, mais bon, faut foncer quoi. Donc, ouais, non, c'est clair. Ouais, quand t'es taxi, tu te lèves taxi, tu manges taxi, tu fais caca taxi, tu baisses taxi, tu fais du taxi. Voilà. Tu vis le taxi. Tu vis taxi, c'est clair. Voilà, c'est clair. Jean-Gabriel. Jean-Gabriel. Jean-Gabriel. Rétrobaiseur, s'il te plaît, maintenant, on a compris. Ouais, je pense que c'est plutôt aussi une passion parce qu'un luxe, je pense pas trop. Ça dépend, si t'es pas obligé d'avoir. Imaginons que le mec, quoi, c'est sa voiture à lui, quoi, c'est pas forcément une Mercedes, hein. C'est pas une Benz. Ça peut être forcément, je sais pas, un vieux taco, je ne sais pas les marques, mais bon. Voilà quoi. J'ai une question, s'il te plaît. C'est qui? C'est Rétrobaiseur encore. Non, mais attends, pour l'instant, toi, t'as déjà répondu. Non, après, ça sera des par contre, Bruce Willis dans le cinquième élément, ouais, super banni. Après, ça sera plus d'actualité, c'est pour ça que je l'ai. Tu peux les griller, les feux rouges, Jean-Marc. Mais il va y aller. Non, vas-y, pose ta question. Il parle des Mercos, des Benz et tout. Est-ce que tu peux faire taxi avec une voiture de location si t'as pas ton propre véhicule? Ouais. Bah, de manière, quand tu débutes comme chauffeur de taxi, t'as quoi? Une voiture de location. Bah, c'est exact. Ça, ouais. Tu peux donc faire taxi poids lourd. Ouais. Tony. Ouais, moi je pense que c'est une passion. Il faut que ça soit une passion à l'origine. Et je pense pas que ça soit tellement un luxe. Parce ça que peut le devenir. Ouais, mais il gagne pas tellement que ça, hein, moi je pense, Manu. Hein. Si tu regardes bien avec la crise à l'heure actuelle de taxi, c'est la merde. Tony, s'il te plaît. Tony. Ouais. Hey, c'est pas Manu qui pose les questions, moi. Pardon, excuse-moi. D'accord. Ouais. Ou sinon, je te vire là. Ah non. Bah non. Donc, alors, tu te calmes, ou sinon, je te vire. Ok. Tu réponds correctement à la question. Ok, bah ouais, c'est ce que je te disais, c'est une passion. Il faut que ça soit une passion au début, et ensuite, ça se transforme en métier. Et voilà. Bah, de toute manière, c'est comme le chauffeur routier. Ouais, tout à fait. Ça pourrait être un loisir aussi. Moi, je pense que tu t'aimais à la folie les camions quand tu étais jeune. Ah, bah, de toute manière, ça m'empêche pas maintenant d'aimer toujours les camions. Voilà, ouais. Ça peut être un loisir aussi. Hein. Tu sais pas quoi faire le week-end. Tiens, si j'allais faire taxi. Voilà. Non, mais même, de toute manière, tu peux quand tu vois des gens qui sont sur le bord de l'autoroute, qui veulent aller sur une destination en camion au lieu de. Tu peux les prendre. C'est interdit sur le bord de l'autoroute. Si, ils ont le droit. Non, à l'entrée, mais pas sur le bord de l'autoroute. Ils ont le droit. T'as pas le droit sur Ils ont pas le droit. Non. Taxico. C'est faux. Ils ont le droit. C'est faux. C'est vrai. Non. Y'a pas moyen. Tu peux te faire faucher par un camion. Taxico. Oui, c'est rare. Moi, je pense que c'est plus qu'une passion. C'est carrément le mode de vie, un sacerdoce, quoi. Non, tu peux préciser. Pas de gros mots. Non. Précise. Je précise en disant que tout le monde ne rêve pas de devenir taxi, quoi. Il y en a d'autres, bizarrement, qui veulent être médecin ou je sais pas, ou dentiste, tu vois. Je connais pas beaucoup de monde qui rêve d'être taxi. En fait. C'est faux, ça. C'est faux, tout le monde rêve d'être taxi. Attends. Non, attendez. Oh. Et d'ailleurs, GG, en parlant de taxi, là, est-ce que t'as vu le film Le Professeur Folding? Non. Tu sors. Il a enlevé ses lunettes. Je galère. C'est grave. Donc pour répondre à la question. Moi je l'aime bien, Po. Manu, tu m'arrêtes ce double saut, sinon je te vire aussi des studios. Ouais. Bon, alors Toxico, je t'emmerde, moi je te chie dans le bec. Au revoir à elle. Oh là là, hop. Terminé. C'est une parodie. Terminé. Mais du son. Terminé pour elle. Je peux pas lancer. Bon, alors, cinquième question et vous allez réfléchir à la question. Mm-hmm. Quand vous appelez un taxi, vient-il tout de suite et on va s'écrouter? On s'écroute tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Ça commence à bien faire. Bah ouais. Bah oui. Fous-toi bien de ma gueule là. Non. Alors on va s'écouter. J'ai dit Nero. Bon allez hop, tu te démerdes. Mais non, vas-y, dis le titre. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, Manu, je sens que tu as morflé avant la fin de l'émission. Comme, je sais pas, vas-y. Alors, j'ai dit Nero, avec dans mon taxi, tu profites gratuite. Et voilà, toujours sur Fun Radio pour la suite et fin du débat sur les taxis. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000, où Capoline vous attend. Et donc, normalement, il y a plus d'armes et. Il va rien faire, il va même pas toucher au bouton, il va se calmer. Et c'est tout. Manu qui est à l'aria, en espérant qu'il me fasse du bon boulot, pas comme tout à l'heure. Et tu vas halluciner, il y a le Minitel et là on est 800. Hein ? On est 800 sur Minitel. 800 sur Minitel ? Et sur l'internet, on est combien, Rigo ? Ça remonte un peu, on est. Attends, combien on est ? On est 6022. 6022. Non. Et ils attendent tous la présence de Jouisseuse Mystère. Eh ben non, ben elle sera pas là malheureusement parce que Apolline l'a eu au téléphone et elle m'a simplement laissé un message. Sandy dit de te dire qu'elle t'aime plus avec un petit cœur qu'elle a dessiné. Voilà. Oh, c'est mignon, ouais. Donc voilà, donc alors le type, la pitié, mais... elle l'aime plus. Si, elle m'aime plus que son cœur. Donc moi aussi je l'aime aussi, donc c'est pour ça. Donc vous venez de. Apolline, s'il te plaît. On vient de s'écouter Gégé dit Nero avec dans mon taxi, tu prolites gratuit. Tu proutes gratuit. Oui. Oui, alors à la place de Taxico, on accueille Gégé Rofort, 26 ans de Toulon. Gégé Rofort, bonsoir. Allô. Gégé. Bonsoir, excuse-moi, c'est à cause d'Apolline. Ah bon, c'est à cause d'Apolline, c'est ça. Quoi? Bon, alors déjà, il y a une chose qui m'énerve, et je crois bien. N'ayez crainte. Ok, on n'a pas crainte. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Une cascade, Manu. Non, pas là, non. Non. Je sais pas ce qu'il fait, Gérard. Fais-nous une cascade au standard. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Fais-nous une cascade. C'est notre cascade. Manu qui tombe à pic. Attendez, ben je peux hein, là. Hein. Allez. Ah, c'était beau en fait. Franchement, tu fais la même qu'hier. Ouais. Hein, c'est les 4 marches là et ça tape. Attention. Ah, ouais. Ouais. Bravo. Pas trop fort. Ah, la vache. Mais merci. Les cascades de Manu. C'est une cascade à peau aussi. Ah, mais toi, tu viens, Gérard ? Avec Rémi Julien, hein, je te l'ai dit hier. Les portes, Gérard, les portes. Toi, allez. Les portes, ouais. Vas-y, c'est pas grave, on continue là. Alors, donc, la question c'est quand. Une cascade, ça te redressera la gueule. Bon, la question c'est quand vous appelez un taxi, vient-il tout de suite ? On va demander ça à Gégé de. D'où de Jacques, tu m'as dit, Apolline ? Toulon. Toulon, la fréquence ? Il va te la donner. En 3.4. Ouais, bah parle un petit peu plus fort, s'il te plaît, en parce 3.4. que... En 3.4 ! Oh, ouais ! J'ai pas dit de gueuler, c'est demander de parler un petit peu plus fort devant ton combiné, d'accord ? Oui, donc moi je l'ai appelé en plus là, tout à l'heure. Je reviens, hein. Je suis sortie et puis j'ai pris un taxi. Allez où ? Là, je suis chez moi, toute nue dans mon lit. Non, mais t'es allé où ? Non, on en a rien à foutre que tu sois toute nue dans ton lit, je m'en bats les couilles. On s'en branle parce qu'on baisse dans un océan de femmes. Enfin, on baigne. Pardon. Oh, c'est beau. Donc, oui, j'ai eu de la chance. Ça te fait kiffer, ça. J'ai eu la chance. Bon, Tony, s'il te plaît. Mm. Ouais, pardon. Au revoir. Non, qu'est-ce que je t'ai dit ? Non, je suis désolé. Attends, pour l'instant, tu t'écrases, d'accord, la nana ? Ouais. Et Bernard, du rythme. Hein? Alors maintenant tu réponds à la question. Oui, donc là je reviens du taxi parce que je suis sortie, hein, j'avais rien à faire, j'ai appelé un taxi, on a été un peu dehors, il m'a promené, il m'a ramené chez moi. Je pense que tu t'en fous de ma vie, mais je te dis, je l'ai eu en exactement, hein, j'avais montre en main, 25 secondes. Et... J'ai de la chance parce que j'habite à côté d'un parking de taxi. Ah ouais, là, non mais attends, attends, Tony. Non, c'est rétrobaiseur. Ouais, bah attends, rétrobaiseur, attends, déjà, elle a pas appelé le taxi, si elle habite juste à côté d'une borne. Excuse-moi, je préfère qu'il vienne me chercher en bas de mon immeuble. Non, attends, toi, t'es une allumeuse, alors dégage, au revoir, terminé. Bourgeoise. Mais non, vous êtes fou, elle était gentille comme tout. Tony. C'est un mytho, ça, ce qu'elle raconte. Tony. C'est bien fait. Ouais. Tony. Ouais. Yeah, ouais. Ouais. Bah alors pour répondre à la question, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais. Ça dépend d'où il se trouve, c'est vrai. Mais la plupart du temps, c'est moins d'un quart d'heure. Ça dépend des sociétés en fait. Mais bon, je peux pas citer de nom, mais sinon je t'aurais cité avec plaisir. Mais là, je peux pas. Non, non, mais attends, parce que... attends, Tony. Merci, m'a remis à l'antenne, c'est super gentil, j'allais dire. Oh, de rien. Oh, vous la virez. Non, c'est moi, c'est moi. Vous la virez. C'est moi, je l'ai mise. Vous la virez. Faut pas déconner. Elle est partie, là. Vous la virez, celle-là. Je l'aimais bien. Dehors, la risto. Alors, si tu veux, si tu veux la reprendre, tu la reprends hors antenne. Mais pas dans les débats, d'accord? D'accord. Une fois que les débats seront terminés. Ouais. Ok. Nuance. Donc, Tony. Oui, oui, GG, oui. Je t'écoute. Donc, déjà, pour bien se dire une chose. Vas-y, dis-la moi. Laquelle? Va t'asseoir. Tu te crois où là? Tu m'as dit de la reprendre, je la reprends. Ouais, bah, attends ton micro si tu veux lui parler, d'accord? Il était éteint, tu vas te faire mal à l'ange. Tu te crois où là? Ouais. Non, non, tu la vires. Viens plus sur l'antenne. Gère. Bon, alors Tony, ouais. Donc pour répondre à ta question, bon, toi ta question, tu me dis, t'attends plus d'un quart d'heure. Ouais. Bon, déjà pour se dire une chose, ça dépend à quelle heure tu l'appelles, d'accord? Bah, disons que moi quand je pars, ouais. Vers 20h de l'après-midi. Attends, il travaille pas, c'est fou. Je travaille. Non, il travaille pas, c'est fou. Bon, Rétrobaiseur et Jean Gabriel, vous la fermez quand je parle, quand je pose une question. Alors vous la fermez tous les deux pour l'instant, ok? Donc je travaille à 20h30 et je l'appelle à 20h pour qu'il vienne me chercher à. Bah, je calcule, ça fait 20h15. Et c'est vrai que il est plus là vers 20h20. Donc ce qui est bien, c'est que je travaille à côté de chez moi, parce que j'aide des personnes âgées à se développer. Et je fais aussi. Leur compte en j'apprends, banque, ouais. Ouais, j'apprends aux enfants à lire et puis je fais plein de trucs. Je fais du jardinage, des trucs comme ça, quoi. Mm-hmm. Des trucs d'intérêt public. Non, mais attends, ouais. Parce que là, il y a la question que je voulais te poser. Ouais. Non, j'ai pas de casier judiciaire. Non, mais attends, la question, c'est que tu viens de me dire que t'attendais un quart d'heure pour avoir ton taxi. Ouais. Bon, tu l'appelles à quelle heure? À 20h, je te dis. Non, attends. Non, attends, tu vas pas me dire que tu t'appelles un taxi à 20h et qu'à 20h45 il est devant chez toi pour aller chez les personnes âgées. J'ai dit 20h20. Parce que, en fait, de 19h à 20h, je peux pas l'appeler parce qu'il y a ma série préférée qui passe sur M6. Tu regardes le Big Bill? Non, c'est Marié deux enfants. Non, le Big Bill, faut regarder le Big Bill. Ouais, c'est bien le Big Bill, hein. J'adore ça, GG. Hein. Ah, c'est top. Mais moi, je regarde Marié deux enfants, donc je l'appelle à 20h, ouais. Et il arrive à 20h20. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il met plus d'un quart d'heure. Parce qu'ensuite, il faut que j'aille au boulot, c'est à 20h30. Et à 20h30, là, je vais, donc je te dis, je vais, ça dépend des semaines. Il y a des semaines A, des semaines B, où je vais en crèche et des enfants à se développer. Où je vais voir des petits vieux, tout ça, pour les promener dans la rue. Ouais. Peut-être toi, t'aimes les enfants. Non, mais attends, Tony. Attendez. Tony. Ouais. Tu vas pas me dire que tu as aidé des enfants à travers. Tu vas pas me dire que tu as aidé les enfants à traverser la rue à cette heure-ci. Ouais. Non, j'ai aidé à traverser les deux. Attends, de toute manière, on va faire la conclusion. GG, à la place de GG Rofort, on accueille Petite Borne, 46 ans de Montluçon. Alors, Petite Borne, bonsoir. Bonsoir Gérard. Salut. Montluçon, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, j'aime ta Tassili. Ah, oh, c'est bon, c'est bon. Fréquence. Bonsoir les auditeurs, ma fréquence c'est 107.2. Okay. Un peu, ouais. Ouais, t'as l'air enrhumé. Bon, Gérard, vite fait, il y a Yankee, chauffeur de taxi. Il dit qu'en fait, la différence entre un taxi et toi, c'est que toi, tu prends plus de clients tous les jours, même à 150 balles le tour du bois, c'est vrai? Non, c'est faux. C'est tout les questions? Non, il y a une question Minitel aussi, moi j'en ai une Minitel de Joker qui demande comment on appelle un chauffeur de taxi si c'est une femme. Bah, une taxiste, une taxiste. Non, de manière, c'est. Il n'y a pas. On me disait une taxeuse. Une taxeuse, ouais. Ou une chauffeuse de taxi. Jean-Gabriel. Alors, le juste temps d'arrivée du taxi après qu'on l'ait appelé, entre 15 et 20 minutes, approximativement. Déjà, pour se dire une chose. Ça dépend, hein, quelquefois ils nous font bon. Faux, bon. Bon, d'accord, ok. Rétrobaiseur, de toute manière, je vais répondre après à votre question. Non, mais t'es pas d'accord avec ce que je viens de dire? Non, mais attends, je répondrai parce que moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de me dire. Mm-hmm. Rétrobaiseur. Ouais, ben moi je sais que souvent j'ai des problèmes pour avoir des taxis, c'est quand tu sors et que la nuit en sortant de boîte, tu veux récupérer un taxi vers 4-5 heures du matin, c'est ouais. Et là, ça devient dur d'avoir un taxi. Des fois, tu l'attends une demi-heure, une heure. Tu vois ce que je veux dire? Non. Alors déjà, pour bien se mettre ça, justement, si tu peux bien en parler de ça. Ouais, parce qu'on peut se dire une chose, qu'en sortant de boîte, ça dépend dans quelle boîte que tu vas, Bon, on va la loco par exemple. Bon, alors à la loco, t'as plusieurs. T'as toujours un taxi qui passe. Ouais, mais regarde, on est plusieurs à sortir. On est 10 à sortir en même temps. Le temps que tout le monde soit évacué, moi si je suis le dernier, j'en ai pour une heure avant qu'il y ait 10 taxis qui soient passés. Non. Attends. Tu vois, parce que bon, moi je picole un peu, donc je veux pas prendre la voiture. Je passe à prendre ouais, le taxi, ouais, mais non, mais alors dans ces cas-là. Ouais. Dans ces cas-là, ah ouais, mais attends, parce que là, tu dis que t'appelles un taxi, mais t'as ton permis de conduire, donc au départ, tu vas en voiture. Ah non, je me fais amener par un taxi, je pars de chez moi en taxi tranquillement, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Pour rentrer, bah, tu vois, oui. si je trouve pas une bonne asse qui peut me ramener à la maison ou chez elle, tu vois, bah, je suis bien obligé d'appeler un taxi. Quoi. Non, mais alors ça, là, je vais te dire une chose, Jean Bézer, reste poli quand même. Reste poli. On parle pas de Lorette. Une bonasse, ça veut dire un canon, quoi, une fille bonne. Ouais, mais parle, respecte un peu plus les femmes, quand même. Ouais, non, mais bon, non, c'est un compliment. Bon, donc, alors, bon. Alors, moi, non, alors, oh, ça y est, rétro-baiseur, oh ouais. Rétro-baiseur, ça y est, c'est fini. Suivant. Bon, alors, pour répondre aux questions, à la question, c'est combien de temps, quand vous appelez un taxi, vient-il tout de suite? Alors, la question, je vais répondre à Tony, parce que c'est Tony qui m'avait posé une question. Exact. Hein? Donc, toi, quand tu l'appelles, il met 20 minutes à peu près. À peu près, oui. Bon, alors, faut se dire une chose, que déjà, pour commencer, quand il l'appelle, si c'est une bande téléphonique, souvent, il n'y a presque personne. T'es d'accord? C'est vrai, ouais. Non. Après, tu t'appelles, t'as des numéros, donc je citerai pas les noms des compagnies. Non, faut pas. Donc, le temps que tu l'appelles, oui. Donc eux, quand tu l'appelles, eux vont te dire un laps de temps qu'il faut attendre. Un laps ? C'est quoi un laps ? Un laps de temps. C'est-à-dire le temps que tu l'appelles et que tu raccroches, ils vont te dire qu'il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure. Exactement. Maximum. Mais non, attendez. Ah, oh ! Oh ! Qui c'est qui répond derrière, qui parle sur moi là ? C'est pas moi. Non, on voulait se renseigner sur la signification du mot laps. Voilà. Bon, un laps de temps, ça veut dire le temps que tu raccroches et que la voiture arrive. Ah, ok. Hein ? Parce que tu peux très bien attendre 10 minutes, comme de toute manière, ils te le disent. Mmh. Ils te le disent combien de temps qu'il faut attendre. Ouais, ils me disent un quart d'heure blaireau, parce qu'ils me connaissent. Bon, vas-y, un quart d'heure blaireau. Tu peux repérer, toi. Ouais. Oh, Gérard, tu suis le débat. Qu'est-ce qu'il fait, là? Vas-y, Gigi. Donc, alors, par exemple, tu l'appelles à par exemple, tiens, regarde, il est 1h40. Non, moi j'appelle à 20h. Non, écoute-moi, Tony. Tu l'appelles, il est 1h40. Du matin ou pas? Tu l'appelles maintenant. Ah, ouais. Hein, il va dès que tu vas avoir une personne au standard comme ici. Ouais, Apolline, ouais. Hein, soit Apolline ou n'importe qui, on s'en fout du nom. D'accord. Apolline, hein. Donc, faut se dire une chose. Le temps qu'il arrive, donc il va te dire combien de temps. Déjà, tu vas voir la personne au standard. Elle va essayer de trouver la voiture qui se trouve à proximité devant chez, vers chez toi. Ouais. Hein. Et là, la personne va te dire bon, d'ici 10 minutes, un quart d'heure maximum. Ça peut durer plus longtemps selon la circulation. C'est 20 minutes, moi. Ouais, ben, dans ce cas-là, c'est. Tu te fais arnaquer à chaque fois sur ton compteur. T'as raison, hein. Moi je suis chauffeuse de taxi et c'est exactement ça. Hein. Ben, justement, ben, tiens, ben, comme t'as pas répondu à la question, ben, vas-y. C'est 10 minutes, un quart d'heure. Alors en heure de pointe, faut compter 3 quarts d'heure, 1 heure, hein, mais moi j'y peux rien, j'ai pas des ailes. Mais tiens, justement, comme toi t'es. Comme toi. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, j'ai et pas est-ce des que, ailes. Est-ce que, si tu me permets, Gégé, je voudrais lui poser une question. Mm-hmm. Est-ce que tu as un chien pour te protéger? Non, j'ai une chatte. Une chatte, mais c'est pas très protecteur, ça, comme animal. Si, tu la connais. Une grosse. Mais ouais. tu la connais pas. Non, Tony, s'il te plaît. Ouais. Bon, tu te calmes. Les autres aussi, vous calmez. Il faudra demander à Captain Flamme. Ouais, Gégé, ouais, justement, je suis là. Gégé, je peux te poser une question, moi. Ouais. Moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que, justement, comme disait Tony, les chauffeurs, ils ont des gros pits ou des gros rods vilains à l'avant. Ouais. Et ils veulent pas prendre les vieilles dames avec les petits caniches ou les petits yorks sous prétexte que les chiens sont interdits dans le taxi alors que lui, il en a un à l'avant. Quoi. Bon, attendez, qui c'est qui vient de poser cette question-là? C'est Rétro-Baiseur, alors je comprends qu'il veut... Bon, alors attends, écoute-moi bien, Rétro-Baiseur. Ouais. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Que le chauffeur de taxi, s'il a un chien, il n'a pas le droit de refuser une autre personne avec un autre chien. Il n'a pas le droit de, il n'a pas le droit de refuser une personne âgée avec un chien. J'ai vu, moi. Hein. Moi, j'ai vu le chauffeur. Non, c'est faux, c'est faux. Stop. On va faire les sondages. Ah, d'accord. Alors, on était dans le thème, là. Ouais, on était à fond dedans. Pensez-vous... Prenez-vous souvent le taxi? Alors, 34% des gens prennent le taxi, que les jours fériés. Je vois pas du tout le rapport. Je sais pas qui c'est qui me sort ça. 27% n'en parleront plus. On sait pas pourquoi. 14% des gens sont taxi et se prennent le week-end. Alors là, qui m'a sorti ça? Ça, c'est du fil d'art tout craché. Y a que lui. Alors, trouvez le taxi trop cher. Alors, 57% des gens militent pour la gratuité des taxis. Pildar, quand tu sauras écrire sur un ordinateur, tu me feras signe. Hein. 34% des gens s'en foutent vu qu'ils les braquent. Ça, c'est bien, Pildar. Bien tes sondages de merde. Combien? Hein, pauvre con, va. Et 21% des gens ne les trouvent pas trop chers, mais trop cons. C'est bien faire des sondages comme ça, avec 20 millions d'auditeurs que je fais, tu me sors des sondages de merde, et si ça baisse, tu te démerderas avec Max, ok? Ok. Alors, êtes-vous pour ou contre les taxis? Alors ça, les pour ou contre, je n'en veux plus dans mes sondages. Alors s'il y a un pour ou contre sur le deuxième débat qui va porter sur l'emploi à domicile, je n'en ferai aucun sondage. Clair, net, précis. Hein, alors attention à toi, Pildar, au lieu de regarder des photos de cul. Donc dans ces cas-là, tu sors des studios, je te veux plus. Alors, êtes-vous pour ou contre les taxis? Alors 33% des gens sont contre. Bon, allez hop, les sondages terminés, poubelle. Bien joué. Non, c'est pas Rigo. Ah bah non. Donc, conclusion. Bon, Gérard, attends, j'ai plein de questions sur l'IRC. Ouais. Déjà, il y a un... Oh, t'as pourri les sondages, moi je te pourris ton truc. Quoi? J'ai travaillé 3 heures. Laisse son micro allumé, d'accord? Ah non, il pourrit les sondages, pourrit son speak. Non, c'est pas lui, c'est l'autre pédé là-bas. Je te le dis direct. Donc. Il y a un autre là. On dirait qu'il va se branler avec le poteau. Voilà. Il raccroche tout le monde, il me pourrit mon speak. Donc il y a un chauffeur de taxi qui s'appelle. Il n'y a pas moyen. Ah bah ouais, tu as pourri. Hop là, c'est stylo en chrome. Arrête, coup de pied. Arrête. Il parle de la cascade. Tu lui laisses son micro allumé, d'accord? Ou tu vires des studios, toi? Y'a pas de problème. Là, t'es pas un clodo. Je te dis au revoir. Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi, GG. Dehors. C'est pas moi. Bon, Anthony. C'est un polo ou un pédro, j'entends. Ouais, je suis à l'area. Bon alors, Rigo, vas-y. Yo, big up. Donc, je disais, il y a... Mais ouais, non, mais on met Fildar à l'internet. Je vais pas pouvoir tout faire. Donc, sur IRC, il y a Dan qui est taxi, qui te demande si tu pouvais raconter la fois où il t'a pris en taxi avec Jouisseuse Mystère et que vous avez fait des trucs obscènes avec lui à 3. Non, c'est faux. Donc, j'y répondrai pas. Bah lui, il dit que c'est vrai. Non. C'est 4. Ok. Donc, conclusion du débat, on va demander à Retro Baiser. Déjà ? Oui, on fait la conclusion. Pour attaquer le deuxième. Débat instructif. Le milieu des taxis, je pense que c'est un milieu passionnant. T'as bien fait d'aborder le sujet. Et si tu veux que je t'expose ton compteur, il n'y a pas de problème. Tu me passes un petit coup de fil, Manu, il transmet et je te l'expose. Okay. Tout disjoncté, mon pote. Jean-Gabriel. Ah, il a l'air d'accord. Écoute, moi aussi, je pense que c'était un débat instructif, constructif. Indispensable, enculable, et il n'y a pas de problème. Je peux te prendre le taxi en remorque, mon vieux. Jouib. Je te prends en remorque quand tu veux, gamin. Ok, Tony. Ah, bah c'était un bon débat. Moi, je me suis bien frustré là. J'ai essayé d'être le plus sage possible. Ouais. J'espère que t'as apprécié, GG, le geste. Mais quoi? Hein, ça s'est bien passé. Gérard, il s'en branle. Ça fait du bon boulot. Non, je t'écoute, Tony, t'inquiète pas. Donc, je disais que j'ai été le plus sage possible. J'espère que t'as remarqué. Ouais, j'espère. Et que ça s'est bien passé. Et t'as vu que ça s'est bien passé. Bah, donc, tu peux me faire confiance et on se fait une bouffe quand tu veux, mon pote. Ouais. Ok, y a pas de problème. Petite bande pour terminer. Cuisine bien. Ouais, Gérard, alors moi, je suis contente que t'aies fait un débat sur les taxis. Parce que je t'ai dit, je suis chauffeur. Bon, j'ai pas pu participer beaucoup hein, parce que j'essaie de vous appeler, mais c'est saturé. Et je pense que si tu veux venir m'exploser le compteur, c'est quand tu veux. Hein. Mmh. Ok. Donc, moi, conclusion du débat, donc pour moi. Donc, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire les 10 questions comme d'hab. Ouais. Pourquoi ? Parce que y a un petit con de Phil Dark qui a foutu sa merde, comme d'habitude. Non. Non, Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ben, c'est tout. Vas-y, Philou, on est avec toi, Philou. Oh, c'est pas moi ? On est avec toi, Phil Dark. Il y a une conclusion internet. Ah, détective, bonsoir. Gérard. Bon, allez hop. Terminé, on va s'écouter la dodoche de... Attends, j'ai pas de disque. J'ai pas de disque. On va mettre moi au gars avec... Attends. Je bosse. J'ai pas de disque, attends. Allez hop. Oh là là, c'est le bordel, là. Attaque de cristalline.